Le plan d'aujourd'hui est assemblage requis. Maxime Lemieux-Laramie nous fait ses suggestions musicales dans son blog Télécharge quoi? On reçoit la visite de Philippe Antoya. Et en plus, on a du bidon là dans la question, imaginez ça! Tout ça, assemblage requis, et ça commence tout de suite. Et bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Assemblage Requis. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut, Matt, ça va bien? Salut, ben oui, toi, ça va? Ben oui. Hey, la belle température, là, on en parle non bien aujourd'hui. Hein? Ben, veux-tu vraiment qu'on se jase de météo? Absolument pas, je déteste ça, entendre parler de météo, je veux dire, on le sait, là. Parfait. Alors, on pourrait souhaiter joyeux Noël, comme tout le monde, là. Joyeux Noël, Kiwan. Avec la neige. Comme c'est la coutume le 22 octobre, on fait toujours ça d'habitude. Ben absolument, en tout cas, c'est de même dans les magasins, hein. Bon. Ouais, c'est vrai. À l'émission d'aujourd'hui, on va recevoir Maxime Lemieux-Laramie qui va nous présenter ses suggestions musicales à télécharger ou à écouter de différentes façons, hein. Oui, aussi dans une. Oui, ben, en fait, concernant Maxime. C'est ce que j'allais supposer. Okay. Ouais, concernant Maxime, oui, il va nous parler des groupes Wilco, Kaiser Chief et Animal Collective. Ah, j'ai hâte d'entendre ça, Animal Collective, j'en entends tellement souvent parler en bien. Bon. Alors, on va aussi recevoir Philippe Antaya qui va nous parler du numéro en cours du Zone Campus, le journal des étudiants de l'UQTR. On va avoir une chronique technologique CNX tout à l'heure. On va parler de gadgets. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas parlé de gadgets. Bon. On va aussi avoir une capsule Vidon Ladon la question qui parle de tristesse gratuite. Oui, on compare la tristesse gratuite à la violence gratuite. Et si, comme dans la violence gratuite, on pouvait avoir de la tristesse gratuite, donc ça va être tantôt avec Vidon Ladon la question dans cette émission d'assemblage requis. Mais on commence avec un avant-goût du palmarès qui va entrer demain, ici à C'est Fou. J'ai eu des petites primaires, des petits scoops, si on veut, qu'il va y avoir de nouvelles pièces de The Mannequin dans le palmarès, donc on s'en va l'entendre. Voici Miss Americanta. C'est un assemblage requis. À C'est Fou 89 FM. Oh, Le nombre et couleurs naturelles. Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Kyo et Mathieu, toujours avec vous. Continuons comme ça en vous disant que tantôt, il va y avoir une chronique technologique CNX. Si vous étiez avec nous hier, vous avez entendu ma chronique. C'était-tu hier? C'est hier? Oui, c'est hier. C'est hier. Récemment? Disons récemment. J'avais parlé de ma mésaventure. Tantôt, il va y avoir des suites à ça, à ma mésaventure de transactions louches sur Internet avec quelqu'un d'Abidjan. Je reviendrai là-dessus tantôt. Parce que là, Mathieu s'est tanné de faire des transactions louches sur Internet. Maintenant, il fait des transactions louches avec des mallettes noires dans les stationnements de bord d'autoroute. C'est du deal, ça! Tu nous compteras ça tantôt. Je ne fais que vous titiller. Parle de vous titiller. Plus tard, on va aussi recevoir Maxime Le Mineur Amix et ses suggestions musicales. Si y a un gars qui titille, c'est bien Maxime. Si je me touche pas une mamelle, je crois qu'il me... ça va être tantôt, plus tard. Il va aussi y avoir une chronique de Régis Sonnery sur le diable. Oui, c'est vrai, parce qu'il y en a une à tous les jours jusqu'à l'Halloween. Ouais, c'était pas l'air tout ça. On va entendre quelqu'un qui est en spectacle aujourd'hui, ce soir. Oui, Alexandre Desilets, hein, on l'a reçu en entrevue il y a quelques semaines déjà. L'entrevue doit être encore disponible. Elle va toujours être disponible sur le site. Pour toute la vie, elle va être encore là, mais ouais. Sur le cifou.ca en balado-diffusion, puis c'est ce soir où, à la Maison de la Culture, ici à Trois-Rivières, Alexandre Desilets, il reste encore des places, vous pouvez y aller. Et on va s'écouter une pièce de lui, c'est la nouvelle qui va entrer dans le palmarès demain, encore une fois, le plein de primeurs ici, là, où vent nous mène. Oui, c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est en fait c'est la pièce qui t'avait présentée en exclusivité à toi, puis on l'a maintenant. Hey, je suis chanceux, moi, rien qu'un peu d'envie, hein? J'ai dealé avec lui pour avoir ça. Il me l'a donné dans une valise, la pièce. La voilà. La chaleur et les coups que tu déploies, comme si mon cœur pouvait les prendre pour apaiser les tourments qui vous hantent. Et que je sois au bout de ta clémence, je saurais aller à ta rencontre. J'ai un chasser les démons et nous sortir de l'ombre. Je m'en vais briser le silence au-delà des mots qu'on veut entendre. I was psychotic and murky. Gregory Pepper and His Problems et la pièce I Was a John à assemblage requis sur les ondes de C'est fou. C'est toujours avec Iwan et Mathieu jusqu'à 17h, hein, tu sais, c'est comme ça. Mm-hmm. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste comme ça. Faut l'accepter, l'assumer complètement. S'assumer là-dedans. Oui. Qu'on écoute Kiwan et Mathieu. Ben, nous autres, on s'écoute pas. Là. En fait, ça paraît en part. On parle puis on s'écoute pas du tout. Sinon, on dirait pas des affaires la même. Ben, moi, je t'écoute jamais. Je sais pas si toi, tu t'écoutes personnellement, mais. Je m'auto-flagelle. Moi, j'essaye d'écouter le moins possible ce que tu dis. D'accord. Je te comprends. Je fais la même chose. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte qu'on retourne en musique. D'accord. Tout à l'heure, il va y avoir le bloc technologique CNX. Ça s'en vient dans quelques minutes à peine. Avançons, ça va se taper un bon vieux classique du palmarès francophone. Oui, Automélodie et la pièce Buanderie Jazz à assemblage requis. Au 89 FM. J'ai la tête lourde et si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, du André Jazz. À moins que Montréal ne soit noir, du André Jazz. Pour te souvenir qu'il s'efface là, du André Jazz. De nos jours, on se protège comme on peut. Un sèche-linge, j'ai caché mon cœur. S'arrêter ici, j'en ai bien peur. Et nos lettres sont flammées dans la lessive, on va faire l'enfer. Quoi, je l'ai pas fait exprès. Mais si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, puis en vraie jazz. À moins que Montréal ne soit noir, du André Jazz. Pour ton souvenir qui ne s'efface pas, du André Jazz. Rien à retenir, sauf les soupirs. Sur notre histoire abandonnée dans le vide. Suspendu comme les orphelines, comme des guirlandes. Ça amuse les touristes qui viennent me rappeler que ma vie n'est qu'un autre cliché. Un badge, un foulard, une larme, hypochlorite sur ton slim jean. Oh, si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, puis en vraie jazz. À moins que Montréal ne soit noir, puis en vraie jazz. Elle me demande surtout pas ce qu'elle a de jazz. Si tu m'aimes, tu reviendras en la vraie jazz. S'il est trop tard, tant pis pour moi, plus en vraie jazz. Et quand tu laisseras sans moi, je le saurai pas. Quand tu oublieras tout de moi, je le saurai pas. Buanderie Jazz d'Automélodie. Automélodie. Ouais, je me trouve avec Aurum Octo Diamond, c'est toujours aussi dur à dire. C'est assemblage requis jusqu'à 17h. Qu'est-ce qui s'en vient, Kiwan? Ben, il est 15h20 plutôt. Il n'est pas 7h20, c'est clair. Il n'est pas 7h20 non plus. Il est 3h20. Puis comme à tous les jours à cette heure-là, ben, on va écouter une chronique CNX. Tu sais, on dit tout le temps écart, mais on ne dit jamais, et un tiers. Non, c'est vrai. 3h et un tiers. 3h et tiers. si on Avant de passer au sujet principal de la chronique d'aujourd'hui, Gogo Gadget, on ouais, a... on va parler de gadget, mais ouais. Avant, il faut... Excuse-moi, je suis comme un super interrompu. Vas-y, continue comme ça, j'aime ça que tu m'interrompes. Ça, avant, il faut que tu nous racontes la fin de ton histoire qui a commencé hier, que tu as commencé à raconter hier, en fait, puis là, il y a une deuxième partie. Absolument. Vous vous rappelez peut-être, je vais vous rappeler les faits en gros. Là. J'ai mis mon ordinateur à vendre sur les packs, et puis j'ai reçu une réponse de quelqu'un d'Abidjan, là, Sylvain Garnier, qui me disait « Je suis super intéressé, blablabla, on a fait affaire ensemble. Bon. » Puis là, ben, il a fait comme semblant de m'envoyer l'argent par PayPal, puis c'était un courriel qui était frauduleux, c'était clairement une adresse Yahoo Mail, et ça avait l'air crédible. Et donc, le résultat, c'est que je me suis rendu compte que c'était un scam, comme on dit, et j'ai tout annulé. Et donc, ça, c'était la bonne nouvelle hier. Et là, on avait appris en fin de chronique que j'avais réussi à le vendre à quelqu'un d'autre. Donc, je suis allé le rejoindre à Berthierville. Pour faire une transaction douteuse dans un stationnement de Tim Hortons. Absolument, mais on était à l'intérieur quand même, au moins. Il m'a reconnu très rapidement. Et le gars, très jeune, un peu dans mon style, est-ce sympathique. Est-ce que t'es reconnu parce que t'es un animateur méga vedette de C'est Fou ou, ben, j'aurais aimé ça. Mais non, il m'a reconnu parce que j'avais une grosse boîte de MacBook Diamond. Ouais, je m'en doutais un peu. Ça fait la job pas mal. T'es quand même perspicace, le gars, là, avoue. Ouais, il y a des talents, tu sais. Plusieurs talents. Donc, il me dit, bon, c'est la première fois que j'achète un Mac. T'sais. Il était tout impressionné, premièrement, que j'arrive avec la boîte. T'sais. Lui, il s'attendait à avoir juste un ordinateur comme ça. Là, dans un sac noir. Là. C'est ça, dans un sac à poubelle. J'arrive avec la boîte, il était tout impressionné. L'ordinateur était tout bien propre, tu sais, comment je prends soin de mes affaires, qui moi, là, tu le sais, tu sais. Hein? Hein? Ben oui. C'est ça. Donc, tout bien heureux. Là, il me dit, c'est la première fois que j'achète un Mac. Je dis, ben. Tu fais bien d'avoir pris celui-là parce que c'est un beau modèle. Tu sais, vraiment, il a fait une belle affaire, puis je trouve que ça s'est bien terminé. C'est juste ce que je voulais dire. En fait, c'est toi qui voulais que j'en parle. Mais... Est-ce que vous êtes allé manger une crème en glace après, ensemble? Ah, c'est ou... ça. Ramener chez nous, peut-être. C'était bon. OK. Non, sans blague, très bon gars, très sympathique. C'est le fun, les packs, quand ça marche, là, c'est très, très sympathique. Vraiment. Je suis très heureux, ça fait deux ordinateurs que je vends, puis toujours des bonnes personnes, puis tout le temps, c'est très satisfait, malgré tout. Bon, OK. Avoir su que c'était aussi banal, là, on aurait pu inventer une histoire, là, puis. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Disons juste que... Non, mais tant mieux, t'as réussi à vendre ton ordinateur, c'est ça que tu voulais, donc tu vas pouvoir enfin t'acheter. On okay. dit pas mes achats okay. à la radio, non, parce okay. que... OK, c'est bon. Je vais sortir du studio, je vais me faire abattre. Non, non. J'ai jamais eu d'ordinateur. En fait, moi... T'en as pas, c'est ça. Non, c'est ça, non, j'ai pas d'ordinateur. J'écris tout sur un calepin comme K1. Je vais tellement me faire taper dessus. Voilà, donc passons à notre vrai sujet du jour, c'est la chronique Gogo Gadget. J'espère que ça ne me dérange pas du tout. Ne t'en fais pas, Kéwan. Je révèle mes achats une fois de temps en temps quand même. Donc, gadget aujourd'hui, c'est le sujet du jour dans la chronique technologique CNX. Hein? Bon, donc retournons-nous pour parler de gadget. En fait, sur le blog de Branchez-vous Gadget cette semaine, il y avait vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Commençons avec un système de câble sans fil. T'es intrigué, je te gage? Le câble sans fil. Ben oui, c'est bizarre. Donc, les bureaux sans fil à la maison ou au travail, ça a la cote. Les pauvres câbles Ethernet, supplantés par le Wi-Fi dans bien des chaumières, ont été relégués aux étagères de garage où plus personne ne s'occupe d'eux, sinon quelques rongeurs brièvement curieux, dit l'article. Mais qu'en est-il des câbles USB? Eh bien, l'ensemble TrueLink Wireless USB Super Booster Extender de la compagnie Cables2Go, hein, c'est un beau nom, c'est le NAMBLA qu'on appelle, permet de transformer un périphérique USB en périphérique sans fil qui fonctionne jusqu'à 30 mètres de son ordinateur d'attache, même à travers les murs et les plafonds. Il suffit de brancher une clé émettrice dans le périphérique et une station d'accueil dans l'ordinateur et l'affaire est pas mal ketchup. Hein? Mieux encore, chaque paire de composantes établit son propre réseau, ce qui limite les possibilités d'interférence dans un contexte où il y en aurait plusieurs en usage dans un espace limité, comme par exemple dans une école. Hein? Moins bien par contre, c'est le prix. Pas loin de 200$ et comme la connexion est de type USB 1, elle ne battra pas de record de vitesse et ça fonctionnera pas non plus avec les webcams, les iPods, les téléphones Skype et tout ce qui mérite la vitesse, donc qui est USB 2.0. Il faut donc absolument être certain de son coût et de ne pas avoir besoin de vitesse nécessairement. Avec quoi ça pourrait marcher, là, par exemple? Très bonne question. Avec peut-être, je sais pas, moi, un petit ventilateur USB. Rien du tout, rien. Vraiment, USB 1, très mauvaise idée. On s'entend, très mauvaise idée. USB 1, c'est du dépassé, là. Womanette! Hein? Mais l'idée est bonne. Et peut-être qu'un jour, ça deviendra plus répandu et 2.0. En cette époque d'inquiétude au sujet d'une éventuelle pandémie, même les manufacturiers de gadgets tentent d'enseigner à leurs vaillants cossins des vertus antibactériennes. Conçu pour les hôpitaux et peut-être le germophobe aigu au portefeuille un petit peu trop bien garni, hein? Le clavier UVKB50, l'UVKB50 de la compagnie VioGuard, se stérilise lui-même. Lorsque personne s'en sert, il se rétracte à l'intérieur de sa base qui le baigne dans une intense radiation ultraviolette capable d'exterminer toutes les villes bactéries qui pullulent normalement sur un clavier. Évidemment, bon, l'article dit en blague, vous n'avez pas idée des cochonneries qui s'accumulent sur votre touche Escape pendant que vous avez le dos tourné. Hein, littéralement, un clavier d'ordinateur est un des endroits les plus remplis de microbes. Je pense qu'il y en a peut-être même plus que sur un siège de toilette. J'avais lu ça quelque part. Incroyable. Mais par contre, ça coûte 900$, donc on verra pas le UVK B50 dans nos maisons de sitôt. Mais tout ce qui peut aider à réduire l'incidence d'infection dans les hôpitaux est bienvenu. Hein? Ils peuvent se le permettre. C'est vrai que pour les hôpitaux, ça pourrait être valable. Un iPhone ou un iPod Touch qu'on peut contrôler en niaisant sur l'écran avec du multitouch ou n'importe quoi, c'est bien, mais un robinet qui répond au toucher, est-ce que c'est mieux, demande encore une fois le blog de Branchez-vous Gadget. Les robinets Pillar, ou Pillar, de la compagnie Delta, sont maintenant dotés de la technologie Touch 20, qui fait en sorte qu'on peut démarrer et interrompre le flot d'eau rien qu'en touchant au robinet avec le doigt, le poignet ou l'avant-bras, hein, pour ceux qui sont, encore une fois, stressés à la grippe, là. Plus besoin de saisir des poignets à pleine main. Pour ceux qui n'ont pas de main aussi. Ben évidemment, on les oublie des fois. C'est regrettable. Donc, plus besoin de saisir des poignets à pleine main quand celles-ci sont pleines de confiture, ni quand on vient de les laver avec soin. Bon, mieux, les capteurs capacitifs qui gèrent le système sont tout à fait capables de faire la différence entre un toucher visant à activer ou à désactiver le flow, c'est-à-dire un contact de moins de 300 millisecondes, et un contact plus long qui vise à permettre à l'usager de déplacer le bec du robinet vers l'autre partie d'un évier double, par exemple. Bon, une innovation intéressante dans la cuisine, dit-on, mais pour éviter de tout salir, non, pour éviter de tout salir, mais peut-être encore plus utile dans les salles de bain publiques, ou les hôpitaux encore peut-être. Mais tu sais, il existe quand même déjà un système là, dans les toilettes publiques qui fait que t'as pas besoin nécessairement de toucher au robinet. Là. C'est vrai que c'est assez efficace. C'est quand assez simple. Là, c'est, puis, quand c'est rendu que le savon même est automatique. Ben oui, c'est vrai. Tout, même le papier, tout. Ouais. Le papier? C'est vrai qu'il y a encore Il y a des distributrices même de papier où le papier sort tout seul avec un homme. À quand le papier de toilette automatique finalement? T'sais? Quand? Hein? Quand? Entre 500 et 600$ ce produit. Comment? Peut-être avec ton. Il y a sûrement moyen de patenter quelque chose avec ton système ultraviolet pour les pour le clavier où finalement on n'aurait pas besoin de tapis de toilette. Tu sais, ça se fait tout seul. Comme un bidet, là, comme les Français, ça veut dire un bidet. C'est un bidet qui te. Avec la. Dans le. Ouais, mais tu sais, ça c'est un petit peu plus archaïque. C'est pas vraiment technologique qu'un bidet, je trouve. C'est vrai. Les gens de chez Solid Alliance nous donnent un petit conseil pour l'Halloween. Utiliser de la technologie. Avec leurs Crazy Earphones, hein? C'est des écouteurs, tout ce qu'il y a de plus normaux, qui fonctionnent avec n'importe quel lecteur MP3 ou CD, mais ça fait parler parce que au bout de ton écouteur, t'as une banane, une patte de chat, une boat, t'sais? C'est technologiquement geek et en même temps super Halloween, super cool, trendy, hip et jeune. Et dans le vent. Hein? Moi j'en ai vu, c'était comme c'était comme des fesses de cochon, comme si voulait rentrer dans ton oreille. Non, c'est cute. C'est pas cher, ça coûte environ c'est pas cher. 22$, c'est quand même cher pour ça, là. Mais c'est des bonnes écouteurs, donc bon. Ouais. C'est ce qu'ils disent dans l'article. Crazy Earphones, la compagnie Solid Alliance. Je vais sauter quelques affaires ici. Tiens, allons-y avec une ceinture avec un écran bleu de la mort de Windows. On voit souvent l'écran bleu de la mort. Des fois, c'était sur un tatou, des fois, c'est sur un chandail, sur une ceinture, l'écran bleu. Une boucle de ceinture. Ouais. Une boucle de ceinture, oui, c'est ça. Ça fit bien avec le format, tout. Ouais. Absolument. C'est vraiment, oui. Donc, un message d'erreur de Windows, ça coûte 17$. Et puis, c'est sur le site de Geek Gone Chic. J'aime le nom du site. Tiens, allons-y avec des... Tu sais, je porte pas souvent de bas. J'aime pas ça les bas à la maison. Moi, je vais tranche de vie, là. Les bas, aussitôt que j'arrive à la maison, mais quand même, l'été, disons, j'en porte. Et puis, ben, peut-être que mes jambes sont peut-être un petit peu plus foncées que mes pieds, tu sais. Peut-être que t'as le même problème que moi, tes pieds sont pas bronzés. C'est le contraire. Moi, il me semble que j'en mets pas l'été, puis j'en mets l'hiver. Ah! Bizarre. Bizarre quand même. On n'est pas correct. Bon, donc, pour ceux qui ont les pieds moins bronzés, il y a une. C'est vrai, gadget. J'avais oublié que tu mettais des bas dans tes sandales. Excuse-moi, j'avais complètement oublié. Je suis capable de porter des sandales, j'aime pas ça. J'aime pas les sandales. Hey, c'est du fun de parler d'accessoires de mode, hein. On va s'engager. À la place d'engager des filles, c'est fou. On va juste faire nous-mêmes les collègues de mode, tu sais. Hein? Pourquoi pas? Ben oui. Avec les bas bruns dans des sandales, là, c'est sûr. C'est chic. Donc, si c'est un grand problème pour vous de ne pas avoir les pieds bronzés, ben le Solid Food Tanner, C'est une boîte qui envoie de la lumière sur vos pieds. Donc, tu mets les pieds dans le gadget, la grosse boîte, et il y a de la lumière qui vient dessus. Ça prend environ entre 5 et 10 jours, apparemment. Mais pas d'un coup sec. 15 c'est quand même pas. 15 minutes par jour pendant 5 à 10 jours pour rendre vos pieds d'une couleur normale, entre guillemets. Donc, si vous vous pensez souvent à vos pieds, payez 220$ pour cet appareil. Non, ouais. Ouais. Je pense que c'est bon. Tiens, un autre gadget Bluetooth, un appareil pour votre téléphone cellulaire qui se branche dans votre téléphone. Et c'est une banane. Donc, une banane pour composer et téléphoner avec une banane, tu sais. Je t'en sors pas, j'ai une banane dans l'oreille. Hein? Ça fait très, je sais pas, cricket ou c'est quoi dans le cœur à ses raisons. Je trouve ça cute, ça coûte 18$ si ça vous intéresse. Le lien est sur assemblagerequis.com. Et puis, c'est ça qui va faire le tour de ma chronique gadget pour aujourd'hui, finalement. Parfait. Donc, c'était la dernière de la semaine. Oui, dernière. Il y en aura une autre toujours lundi prochain. Tiens, lundi au jeudi, vers les 15h20, ici, dans l'assemblage requis. Elles sont compressées en un seul et même fichier. Qui est diffusé les lundi matin à 10h. Ça s'appelle cnx.zip. Et c'est aussi, ça va se retrouver aussi éventuellement bientôt sur le assemblagerequis.com. Absolument. Tous les liens sont là. Allez-y dès maintenant. Donc, toujours à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. C'est l'émission du retour en pièces détachées. Plus tard, on va recevoir Maxime Lemieux-Ramé. Hein? On pourrait peut-être rappeler les noms des artistes qu'il va nous présenter. Ouais, Maxime va nous parler de Wilco, Kaiser Chief et Animal Collective. Ça, c'est dans à peu près une heure, je dirais. Mais en attendant, on va retourner en musique tout de suite avec Oromocto Diamond et la pièce The Last Diamond in the Cave. Je tiens à vous dédier un beau grand moment d'une rare intensité. C'est sur le bord de la rivière, en plein mois de janvier. Assis sur le bord de la rivière, en train de prendre ma grosse bière. Une idée folle en plein hiver. Il faisait pas chaud, mais je pouvais relaxer. Puis ce qui était bien le fun, c'est qu'il n'y avait pas de danger. Deux de ces policiers m'ont Que j'étais en pleine, pleine commotion. Et ce qu'on part de l'Est, c'est la pièce Sur le bord de la rivière à assemblage requis. Un classique, j'aime beaucoup cette pièce-là. Mm-hmm, très bonne pièce. Et maintenant, Mathieu, on va aller écouter la capsule de Régis Solery qu'on écoute à tous les jours. C'est la série Les Arbres dans tous ses états, donc il y en a une par jour, y compris les vendredis au Palmarès. Et on est rendu à la quatrième épisode de cette série-là. En fait, c'est pas nécessaire de toutes les suivre, là. C'est indépendant, là. Chacune des capsules sont indépendantes, mais bon, c'est quand même la quatrième qui va nous mener jusqu'au jour de l'Halloween la semaine prochaine. Alors voici le rituel romain face à la possession diabolique. Et voici maintenant la série Le Diable dans tous ses états, présentée par M. Régis Solery. Le rituel romain face à la possession diabolique. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Le cartésianisme et le siècle des Lumières ont jeté sur l'humanité leur souffle de philosophie et de science, ébranlant du même coup plusieurs siècles d'obscurantisme et de superstition. De simples élucubrations de nature hystérique ne sont dorénavant plus attribuées à l'emprise du démon, car les avancées de la neuropsychiatrie des 19e et 20e siècles sont parvenues, au moins en partie, à démêler le vrai du faux. Consciente de cette réalité, l'Église ne se précipite plus pour asperger d'eau bénite le premier convulsionnaire venu et fait montre de prudence avant d'évoquer l'authenticité d'une possession diabolique. Le rituel romain, livre de chevet des exorcistes, indique donc, de manière quasi scientifique, la conduite à tenir face à ce genre de phénomène. Premier signe. In primis ne facile credat aliquem a demonis obsessum esse. Autrement dit, il convient d'emblée de faire preuve de scepticisme face aux manifestations prétendues diaboliques. L'analyse du cas doit être rigoureuse et documentée afin d'éviter deux travers. D'une part, celui de nuire à un individu en faisant intervenir la foi là où elle ne serait probablement d'aucun secours. D'autre part, celui de ridiculiser l'Église en la réentraînant inconsidérément dans ses erreurs du passé. Deuxième consigne. Nota habeat et a signa quibus obesus dignoscitur ab iis qui vel atrabile vel morbo aliquo laborant. L'exorciste doit donc savoir distinguer quel signe distingue le possédé des sujets que travaille la mélancolie ou quelque autre maladie. Par cette simple remarque, l'Église, il faut certes l'en féliciter, mais avait-elle réellement le choix, reconnaît la préséance de la psychiatrie dans ce domaine. Les recherches des docteurs Freud, Lhermitte, Charcot, Babinski, Macario, Richer, Vinchon et autres ont heureusement supplanté celles des démonologues Bodin, Vir, Sprenger et Institoris. La nécessité d'en référer au médecin avant de prendre toute décision avait déjà été explicitement mentionnée dans les actes du Synode national de Reims en 1583, mais l'époque ne se prêtait guère à ce genre de remise en question et la recommandation n'avait été que peu suivie. Troisième consigne. Signa autem obsidentis daemonis sunt, ignota linea loqui puribus, verbis vel loquentem intelligere, distentia et occulta pate facere, vires supra aetatis, seu conditionis naturam ostendere. Ce sont les trois signes requis par l'exorciste pour pouvoir authentifier la présence du démon. Usage ou intelligence d'une langue inconnue, connaissance de faits distants ou cachés, manifestation de force physique dépassant l'âge ou la condition du sujet. L'exorciste du XXIe siècle n'est plus un démonomane autorisé à voir l'effet du démon dans le moindre éternuement suspect. Il doit maintenant se conformer à des règles strictes, condition sine qua non à la légitimité de son intervention auprès de personnes qui, bien que cela ne prouve en rien l'existence du diable, semblent bel et bien possédées par lui. Venez d'entendre une capsule de la série Le diable dans tous ses états, présenté par M. Régis Ollery. On vous rappelle qu'on va passer une chronique par jour du diable dans tous ses états par Régis Ollery d'ici à l'Halloween. Et ça compte, demain, il va y en avoir une dans les Palmarès Sifo entre 17h et 20h, donc soyez-y. Maintenant, bientôt, Mathieu, on va recevoir Philippe Antailleur pour nous parler du numéro en cours du Zone Campus. Mais juste avant ça, on va aller écouter Major Bidet avec la pièce Les Mouches. Vous êtes à Assemblage requis okay. Jusqu'à 17h. Oh, je te... C'est la deuxième fois que tu m'oublies au coin d'une rue, que tu t'enfuis, que je deviens laid. Les saisons passent, le monde se tasse, le peu qui excite attire les mouches. De vieux pains qu'on fait tourner, une tranche de vie un peu moitié, que tu gardes en l'air, que tu sors pas, que tu gardes en l'air, que tu sors pas. Toutes les pilules dans tes bouteilles qui tiennent au chaud, qui te réveillent, qui oublient d'endormir ton cœur, qui oublient d'éteindre les voix qui disent quoi faire. Retour à l'hôpital, on va t'en prescrire. Ah, il est du bien. Les mouches de Major Bidet, qui sont maintenant rendues Major sans Bidet et qui travaillent sur un nouvel album, sont en studio même. Donc, probablement, ben, ça fait un petit bout là, qu'ils sont en studio puis qu'on attend des nouvelles, mais il n'y en a pas. Donc, j'imagine que ça va arriver un jour, bientôt, cet album de Major sans Bidet. Oui, c'est très, très bon et c'est majeur, je dirais. Et tu sais, qu'est-ce qui est majeur et bon autre que Major Bidet? Quoi d'autre? Ben, l'émission des meilleures mamans, c'est vous. Ah, oui, qui est diffusée le vendredi matin à 6h30. En rappel, le samedi après-midi à 14h, juste après les championnats de jam débile de ma tante Frac. Donc, c'est les meilleurs moments de la pilule du lendemain, du dîner de con, d'assemblage requis, tout ça dans une espèce d'amalgame, un genre de poutine. Un genre de comment tu dirais, Mathieu, un genre de condensé du meilleur de ce que c'est fou à vous offrir, genre. Mm-hmm. Ça pourrait quasiment être le slogan. Donc, c'est les meilleurs moments de C'est fou, vendredi, demain à 6h30 et samedi à 14h, ici sur les ondes de C'est fou. Et une autre chose qui est très bonne, ça aurait pu être mon lien aussi, mais c'est très douteux comme lien, ça reste douteux, on s'entend. Mais ce qui est bon, c'est aussi le journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Et pour parler du numéro en cours du journal Zone Campus, on reçoit Philippe Ontaya, qui est rédacteur en chef de ce fameux journal de l'enfer. Ah, bonne fin d'après-midi, j'adore cette pub. Tout à fait, hein? Oui, je l'adore. Vraiment très bon. Et là, on parle d'enfer. Pourquoi? Parce que sur la couverture du journal, on regarde ça, puis c'est des flammes. Colin, ça pogne en feu, ce journal-là. Hein, oui, ça pogne en feu comme une résidence de l'UQTR. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le campus du QTR pour créer cette couverture enflammée, donc? Ben, plein de belles et de moins belles choses, mais entre autres, comme tu l'as annoncé en une, un incendie qui a eu lieu dans une des résidences de l'UQTR, l'incendie d'une cuisinière, mais comme le titre l'indique, il y a eu plus de peur que de mal, seule la cuisinière est endommagée. C'est une belle femme, pareil, là, même si elle est endommagée maintenant. Oh, oh, oh. Non, ben c'est ça, plus de peur que de mal. Il n'y a pas personne de blessé. Là. Maintenant, je sais pas dans les derniers jours si les personnes ont pu réintégrer leur appartement, mais sinon, tout était sous contrôle. Le feu a été contenu. Bon. Puis on parle, il y a aussi également, ben, parlant de sécurité, puis de feu, puis tout ça, il y a un article sur les mesures de sécurité qui sont là à l'UQTR. La campagne de publicité qu'on peut voir un peu partout. Ouais. Qui peut les affaires où il faut se barricader, puis tout ça, là. Oui, bien ouais. C'est ça. On se questionnait à savoir quel montant est attribué pour ça. Il semble-t-il que le montant est pas chiffrable. On sait qu'il y a 450 000 $ qui est attribué pour les gardiens de sécurité qui sont là un peu partout sur le campus. Mais ça, la campagne de publicité, c'est pas chiffrable. Il y a 50 000 $ qui a été attribué pour la nouvelle sirène d'alarme. Ah, une nouvelle sirène? Avec quel son, est-ce que tu le sais? Ben, il y en a plusieurs. Ah ouais, plusieurs sons? J'allais dire une niaiserie qu'on peut faire le test en faisant une activité quelconque, mais on le fera pas pour connaître les sonneries. Ouais. Mais il y en a plusieurs selon le type. Y a-tu un genre de pou, tchik, pow, wow, tchik, pow, comme dans le nom? Non, malheureusement, mais tu pourrais le proposer. Porno. Tu pourrais le proposer. D'accord, je vais faire ça. Donc, c'est bien, nouvelle mesure, mais si le chiffre n'est pas chiffrable, on doit s'entendre que ça veut dire que c'est cher. C'est pas peu cher. Nul ne sait. En fait, la réponse qu'on nous a donnée, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur le projet, qui vont travailler sur le projet encore à nouveau, qui sont de différents domaines. Alors, c'est difficile de mettre un chiffre, une somme attribuée pour ces mesures de sécurité-là. Moi, je veux Mais dire des trois. Mesures, il y en a. En tout cas, je sais que les affiches sont vraiment hot. Moi, j'aime beaucoup le bonhomme qui se barricade. Il est comme accroupi dans une boîte. Oui, d'ailleurs, si jamais il y a un tremblement de terre, vous vous accroupissez sous votre bureau. Et si ouais. vous avez envie, sur le bord d'une route aussi. Même position. Ouais. OK. Aussi, dans la section actualité, on parle d'une assemblée générale de la GEQTR où les étudiants se questionnent sur leur affiliation à la FEUQ. Ouais, c'est le principal point qui est sorti. La FEUQ, Fédération étudiante universitaire du Québec. Donc, tous les étudiants de l'UQTR sont membres de la GE et sont également membres de la Fédération étudiante universitaire du Québec. Mais là, lors de l'assemblée générale, les étudiants ont posé la question à savoir est-ce qu'on a encore besoin de la FEUQ? Alors, il va y avoir un référendum qui va se tenir dans les prochains mois pour savoir si les étudiants veulent être encore membres ou non de la FEUQ. Bon. Donc, c'est le point majeur qui est ressorti de l'Assemblée générale. Coché, oui, coché, non. Bon. Loi 38 avec le recteur, M. Bourque. Oui, qui, dans le numéro précédent, on avait également parlé de la loi 38, mais on avait eu la position des cadres de l'université, syndicat des professeurs, syndicat des chargés de cours. Mais là, on n'avait pas eu la position du recteur. Alors là, maintenant, on l'a. Le recteur qui est partagé sur avec la loi 38, la loi de la ministre Courchesne de l'Éducation, Loisirs et Sports, qui vise à revoir le mode de gouvernance des universités. En fait, lui, le recteur trouve qu'il y a du bon dans cette position-là. puis que contrairement à ce que certaines personnes avancent, qu'il n'y a pas des programmes qui sont déficitaires, qui vont fermer. Les programmes vont être appelés à revoir leur mode de fonctionnement. Donc pour lui, c'est pas mauvais la loi 38. C'est pas mauvais. Bon, ben, c'est bien d'avoir son avis. Et oui, maintenant là, si vous lisez l'article, vous allez l'avoir. Tous les détails sont là. Tantôt, on parlait de la FEUC. D'ailleurs, ton éditorial que tu signes dans tous les numéros chaque deux semaines parle aussi de la FEUC. Donc, lisez l'éditorial de Philippe. Oui, en fait, ce que je pense, c'est que ça mérite une longue réflexion. Il y a du bon, puis il y a du mauvais des affiliés de la FEUC. Ah, c'est partagé, donc. Bon. Il y a toujours la section opinion avec nos amis Marino et Marino, oui. Et Jean-François Veilleux. Je vais essayer de faire un jeu de mots avec le fait que c'est Marino et Marino, qui est comme Marino. Je pense que ça a déjà été fait. Donc, c'est deux textes d'opinion. Il y a évidemment la question Vox Pop. Quelle est la question cette fois-ci? Oui, c'est qu'est-ce que vous pensez de toutes les mesures de sécurité qui sont présentes sur le campus présentement? Alors, l'opinion est partagée. Malgré le fait qu'il y a plusieurs affiches, certaines personnes ne les voient pas. Et se demande même quoi faire en cas d'urgence. Alors, peut-être que ce sera à revoir l'affichage de ces mesures de sécurité-là. Est-ce qu'on passe à l'art et spectacle, Tom? Ben, allons-y donc, tant qu'à y être, tiens. On commence avec de la censure à l'UQTR, mais qu'est-ce que c'est que ça, bip, bip, bip? Ben, dans le corridor près de la cafétéria, il y a des œuvres des étudiants en art de l'UQTR qui ont été affichées depuis avril dernier. Mais là, tout récemment, les œuvres ont été censurées parce que, semble-t-il, elles avaient un caractère pornographique. Bon, tu capes, ouais. Ouais. Je peux l'utiliser souvent aujourd'hui, c'est très à propos, hein. Bon, c'est ton émission, hein, Mathieu. Merci. Alors, c'est ça, les œuvres ont été censurées, puis les étudiants en art protestent. Protestent contre cette censure-là. Et on voit une des images dans le. Oui, qui a été censurée. Qui n'est pas subjective du tout. C'est un arbre. Un nœud d'arbre. Ben oui, un nœud d'arbre, bon. Il n'y a rien de vulgaire là-dedans. Regardez l'image, dites-moi que ça a l'air d'un nœud d'arbre. Bon. Mais c'est très intéressant parce que plusieurs personnes qui voulaient voir les œuvres qui étaient censurées. Dans le journal, c'est là. Bon, je suis à côté d'une belle pub de nos émissions, dont Assemblage requis. C'est fun, ça. C'est comme une lumière qui vient du ciel. Oui. On parle de la nouvelle saison de la LIM 3R, qui est la Ligue d'impro musicale. Oui, la saison qui a débuté jeudi dernier. À chaque troisième jeudi du mois, l'impro musicale qui a lieu à la Chasse-Galerie. On promet une saison haute en couleurs cette année. Encore pour la cinquième saison de la LIM 3R. Saison d'anniversaire. Et on rappelle qu'Éric Granger, l'arbitre de la LIM 3R, oui, est toujours à notre émission le troisième jeudi du mois. Donc, il nous donne des potins, puis le compte-rendu des matchs. Oui. Potes-rendu. On parle du FIMU. Ça commence à faire longtemps que ça a eu lieu, ce FIMU, mais quand même, on y revient. Oui, ben c'est ça. On parle du FIMU. Le FIMU, c'est le Festival international de musique universelle. Oui, aussi, et? Dans la section des arts, quoi? On parle d'Hubert Reeves, qui est de passage à Trois-Rivières. Oui, Hubert Reeves, le grand poète. Hubert Reeves était poète, tu savais de ça? Ben non, mais je savais qu'il était astrophysicien, mais je savais pas qu'il faisait de la poésie. Non, mais ouais. Ça, l'astrophysique, il fait ça on the side, là, parce que... Oui, il a laissé de côté sa carrière de poète. Ouais. Pour aller faire tourner des ballons sur son... Ben, sa poésie touche à l'astrophysique, parce que là, il a lu un poème, Terre, planète bleue. Donc, okay. C'est ça, il était de passage aux Zénobles et les gens qui présents là-bas ont été très surpris de le voir, agréablement surpris. Il y a Mélissa Beaupré qui fait une critique du nouvel album de M. Oui. Mystère, mystère. M qui effectue un retour après 5 ans d'absence, je crois. Alors, avec son album Multiplier le plaisir. Il nous reste des sports à faire, tiens. Beaucoup de sports hein, ici à l'université, donc ils sont pas mal tous couverts dans le zone campus. Oui, avec les équipes des Patriotes, les Patriotes hockey qui ont d'ailleurs inauguré leur saison, qui ont commencé avec 2 victoires, une au compte de 8-3 et puis l'autre un petit peu plus serré, 2-1. Mais malgré tout, ils ont 2 victoires. On parle aussi de l'équipe de golf féminine qui accède au championnat canadien, contrairement à leur homologue. Est-ce qu'on peut dire leur homologue? Mais bon, à l'équipe de golf masculine qui, elle, n'a pas accédé au championnat canadien. Donc, pour eux, la saison est terminée. Mais on continue l'entraînement hivernal. On parle aussi du soccer masculin et féminin. Les deux équipes qui se trouvent en cinquième place, alors que c'est uniquement les quatre premières équipes, qui accèdent aux séries d'après-saison. Alors, les prochains matchs seront cruciaux pour les deux formations, mais quand même qui tirent bien leur épingle du jeu pour employer un terme sportif. Oui, super cliché, mais merci. Oui, mais c'est ça. Ben oui, ben c'est ça, il n'y en a pas d'autre façon de le dire. Bon, hein? Aussi, on a la natation, on parle peu, mais bon, l'équipe, cette année, on vise à s'améliorer et à progresser. Ce sont les deux mots d'ordre pour la formation de Martin Gingras, l'entraîneur des Patriotes Natation. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Oui, puis en terminant, je peux mentionner les deux Patriotes de la semaine qui se retrouvent dans le journal. Alexandre Blais de la formation de hockey et puis Audrey-Anne Comeau de la formation féminine de golf. Voilà donc pour le tour du journal Zone Campus qui est en kiosque jusqu'au quoi? Combien il y a de jours dans le mois d'octobre? Jusqu'au 1er novembre. Au 1er novembre. Oui, parce que la nouvelle édition va être là en kiosque le 2 novembre. Toujours au poste, le numéro 5 de la session qui sortira donc le 2 novembre. Celui-là est encore en kiosque présentement et vous pouvez aller lire ça ici sur le campus et dans d'autres points externes à l'université. Et sur zonecampus.ca. Oui, et voilà. Et voilà. Merci beaucoup, Philippe Portaille. Ben, ça fait plaisir. Rédacteur en chef du journal Zone Campus, hein? Bon, on en dit des affaires pertinentes. Ça, c'était des nouvelles, ça, c'était des faits. C'était, tu sais, vrai. Tu sais? La nouvelle, un journal. La nouvelle, un journal. Tu t'emportes un peu, Philippe. Merci encore. À la prochaine. Dans deux semaines, on le retrouve ici à toutes les deux semaines. Oui, oui, bon. Je vais être là. Dans deux semaines. À bientôt. Combien de semaines? Ben, deux. Deux semaines. Semaine. Deux quoi? Semaine. D'accord. Vous êtes toujours avec Iwan et Mathieu, assemblage requis jusqu'à 17h. D'ici la fin de l'émission, on va recevoir un bon ami à nous. Eh oui, Maxime, qui va être là pour venir nous titiller. Je te donne la place pour que tu dises quelque chose, puis tu dis, ben, Maxime va être là. Ben non, mais c'est vrai. Mais encore. Ah oui, mais non, mais comme tous les jeudis, Maxime va venir nous parler de trois nouveautés musicales. En fait, il va venir nous faire des suggestions de musique à télécharger. Il va nous parler entre autres de Wilco, de Kaiser Chief et de Animal Collective. Mais pour tout de suite, Mathieu, ce qu'on va aller faire, sais-tu qu'est-ce qu'on va aller faire? Non, j'ai aucune idée, dis-moi là. On va aller écouter le Husky, qui lui aussi est en studio présentement comme Major sans bidet pour un prochain album qui va sortir bientôt. Mais on va entendre un extrait de son dernier album qui s'appelle David Bowie à Assemblage Requis. Je suis C'est fou 89.1, la scène émergente. Toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Mathieu et Kiwan. Et dans environ 5 minutes, on va recevoir Maxime Lemieux-Laramé qui va venir nous faire ses suggestions de musique à télécharger dans sa chronique Télécharge quoi, comme à tous les jeudis, à peu près à la même heure. Mais juste avant ça, Mathieu, on va aller écouter une pièce, en fait, qui va... Ça va fitter pas mal dans le thème nouveautés et découvertes que Maxime va nous présenter tantôt parce que, pas nécessairement musicalement, mais juste parce que c'est un nouvel album qu'on a reçu ici à C'est fou et qu'on connaissait pas, toi et moi. Mais on va aller écouter une pièce de cet album-là. Le groupe s'appelle The Shackbots. Moi, ça me fait beaucoup penser à We Are Wolves. En fait, je trouve que c'est un mélange entre We Are Wolves puis le côté un petit peu plus léché de, par exemple, Winter Gloves. C'est un petit peu moins sale, des fois, que We Are Wolves. Un petit peu plus fini. Donc, on écoute de chaque bot tout de suite. Max, écoute ça, là, pour une fois que Kiwan te montre de quoi. Là. Écoute, là, c'est rare. Ça, ça va être bon. Effectivement, c'est très rare. Shake it right, turn on your phones, baby. shit, my life is tight. Hop the train, I catch the bus, go work, my shit, my life is tight. Hop the train, I catch the bus, go work, my shit, my life is tight. Hop the train, I catch the bus, go work, my shit, my life is tight. Hop the train, I catch the bus, go work, my shit, my life is tight. Hop the train, I catch the bus, go work, my shit, my life is tight. Hop the train, I catch the bus, go work, my shit, my life is tight. Formation de Shagbot, leur album s'appelle We Were Born Tigers. On vient de le recevoir ici, assez fou. C'était la pièce Turn Off Your Phone, Stay the Night. Hein? Oui, c'est maintenant le moment de la chronique Télécharge quoi avec Maxime Lemire. Hey, bonjour Maxime Lemire. Oh. Salut, Maxime Lemire. Salut, salut, salut. Ça va? Ouais, ça va super bien. J'ai plein de trucs à discuter avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être là en plus. Puis, c'est ça. Dans le fond, je suis arrivé avec un dicton aujourd'hui. C'est en cherchant qu'on trouve. Parce que cette semaine, j'étais un peu angoissé parce que là, je savais pas trop de quoi parler. Puis, finalement, j'ai comme trouvé plein d'idées. Puis, il a fallu que je fasse une sélection. Puis, pour la semaine prochaine, ça augure bien aussi parce que j'ai plein de trucs. Sauf que cette semaine, je voulais parler de Kaiser Chiefs, qui ont sorti un album, ça fait quand même longtemps. La date exacte, c'est 20 octobre 2008. Fait quasiment un an. Ben oui. Mais moi, j'ai découvert ça vraiment par hasard cet été, en empruntant l'auto de quelqu'un qui avait ça dans le lecteur. Puis je connaissais ça de nom, Kaiser Chiefs, un peu sûrement comme vous, là, vous en avez déjà entendu parler. Je connais les pains. Les pains, c'est ça, les pains Kaiser. Ben oui. Puis de la première tune jusqu'à la dernière, c'est vraiment entraînant. C'est un groupe qui vient de Leeds en Angleterre. Puis je trouve que ça suit un peu la lignée là. Bon, c'est sûr que il y a des ils suivent un peu la lignée de Clash puis des Ramones. Moi, je trouve que ça rock vraiment. Puis on pourrait peut-être aller entendre la pièce. J'ai choisi une pièce qui est sur le plus récent Off with Their Heads, leur troisième album. Ça s'appelle Never Miss a Beat, puis je pense que vous allez comprendre de quoi que je parle. C'est vraiment entraînant. Je trouve que ça fait fin des années 70, là, le bon vieux rock qu'on aime. Fait qu'on écoute ça, c'est Kaiser Chiefs à Télécharge quoi. To school, I don't know, it's cool. C'était Kaiser Chiefs avec Never Miss a Beat de leur album Off With Their Heads. Ça donne dans le post-punk, là. On n'a pas écouté attentivement. Nous autres, ici, on jasait plus que d'autres choses, là, mais je vous refilerai l'album un de ces quatre. Vous allez voir, du début jusqu'à la fin, c'est très intéressant, très intense. Ouais, tout à fait. J'aime bien le son à date de Kaiser Chiefs. Alors, deuxième artiste que je désire faire découvrir, c'est Wilco. Wilco, qui ont déjà 8 albums à leur actif. Le dernier album, bon, on revient à la base, est intitulé Wilco. Puis la pièce que... Ben, en fait, je voulais pas confondre personne. Puis la pièce que j'ai choisie s'appelle Wilco. Alors, c'est Wilco The Song, Wilco The Album. Et c'est le groupe Wilco. Alors, moi, je les avais découverts avec Sky Blue Sky, qui est dans le fond leur avant-dernier album, qui date de 2007. C'est le genre de groupe que j'ai fait découvrir comme à mes parents, puis mes parents aimaient ça. Tu sais, des fois, on sait jamais genre quoi mettre comme musique quand les parents viennent nous visiter ou... Du country. Souvent. C'est ça, tu mets du folk, tu sais. Mais ça, c'est un peu folk, mais c'est le fun quand même. Du folk qui rock un peu. Ils vont être à Montréal, dans un bout, là, le 27 février prochain, mais c'est quand c'est même... C'est 2-3 bouts. Hein? C'est 2-3 bouts. Ouais, c'est ça, 2-3 puis 4. Fait que la pièce, c'est ça. Alors, on va écouter Wilco de l'album Wilco. Juste dans 3, 2, 1. Ben oui, là. J'étais prêt quand tu le disais, mais ok, ça va. Alors, c'était Wilco, de Wilco. De l'album Wilco. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'album Wilco qui est sorti le 30 juin dernier. Achetez-le chez Wilco. Steinberg Wilco. Mais moi, je trouve que ça me faisait penser un peu à Beach Boys. Ouais. C'est pour ça, probablement, que les parents aiment cette musique-là. Ouais, les parents, ça aime ça, les Beach Boys. Ça leur rappelle leurs années folles, là, dans le fumet du pot. Mais... Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On prend-tu une petite pause? Non, relaxons un peu. Question de se détendre. C'est ça. Allons avec tes parents, là. Écoutez les Beach Boys. c'était une référence au pote, mais j'en prends pas. C'est pour ça que ça a sorti croche. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est beau, ça. L'espace. 89-1-1-1. Jusqu'à 17h. Assemblage Requis. Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Toujours avec Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis, ça le dit, donc c'est vrai, hein, Kiwan? C'est pas des mensonges, ça, là. Non, c'est pas des mensonges, et on est même en compagnie de Maxime Lemieux-Laramé, qui est dans sa chronique Télécharge quoi? Ouais, puis là, je veux vous parler de Animal Collective. Alors, on sait très bien qu'Animal Collective a sorti un album déjà en janvier 2009. Si je vous en parle, c'est qu'ils vont sortir un maxi. Alors, ça fait même pas un an. Puis, il sort déjà un autre maxi qui va s'appeler Fall Be Kind. C'est un extrait, je pense, qui sera même pas sur ce maxi-là. Mais sur MySpace, il y a Brother Sport, que, comme je le disais tantôt, ça commence bien. Puis, il y a un petit bout qui m'agressait un peu, fait que j'ai pas voulu la présenter. À place, je me suis dit, on va aller prendre une bonne tune qui se trouve sur... l'album Meriwether Post Pavillon, puis j'ai choisi Summertime Clothes, qui est super bonne. Fait que c'est Animal Collective, fait que, comme je l'ai dit, le 8 décembre prochain, il y a un maxi. Procurez-vous-le-vous si vous, vous le voulez. Hey, merci aussi de ne pas nous passer des pièces plates. Ben, ça me fait plaisir. C'est pas que tu choisisses des... Ouais, si tu veux, la semaine prochaine, je peux en trouver des plates. S'il te plaît. Animal Collective. with a saccharine sheen, kissing the wind through my window screen. The restlessness causes that I cannot hide. So much on my mind that it spills outside. Do you want to go stroll down the financial street? Our clothes might get soaked, but the building's sweet. And there's no Alors, c'était Animal Collective et la pièce Summertime Clothes qui se retrouve sur l'album Merryweather Post Pavillon. Et puis, je me lance dans les idées cadeaux. Hein? On sait que la Saint-Valentin arrive bientôt. Ça nous prend toujours par surprise, la Saint-Valentin. Hein? C'est ça, on sait jamais. Boum! Ah, j'ai eu. Hein? Oh, c'était la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, on sait que les... Je vais y aller avec plein de généralisations, mais on sait que les filles aiment Twilight. Ouais, sauf que vrai, nous, ouais, on aime la musique. Fait que là, je propose qu'on achète à nos blondes le CD de Twilight. Ça a l'air d'une blague en le disant de même, parce que pour vrai, on s'attend à ce que Twilight, la trame sonore, soit complètement fifille. Ouais. On est tellement de monde à être dans la même situation où on a tout levé le nez sur Twilight, puis on n'a rien voulu savoir, puis c'est probablement avec raison, mais là, la trame sonore qui vient sortir pour le prochain film, ça a aucun bon là. Sens. Ça n'a aucun bon Est-ce sens. Est-ce qu'on aime des artistes qui sont sur l'album? Écoute, je les avais notés déjà. Il y a Grizzly Bear, Editors, Bon Iver, Tom York de Radiohead, Band of Skulls, je sais qu'il y a The Killers aussi. Oui. C'est Dead Cab for Cutie, il faut pas oublier Dead Cab for Cuties. Et c'est ça, c'est comme un all-star team qui se sont regroupés sur une bande sonore. Je sais pas si qui est la personne qui a été décidée de ça, mais c'est du très beau travail. Ouais, mais c'est ça, comme on parlait tantôt, tu t'avançais l'idée que c'est vraiment. C'est probablement dans le fond justement pour rallier ceux qui aiment pas les films ou tu sais. Pour aller chercher finalement là, vraiment tout le monde qui avait une chance de voir le film, tu sais, avec une trame sonore qui est différente complètement de la musique qu'on présume être celle de l'auditoire cible du film. Exact. Donc on va chercher finalement une plus grande auditoire. Puis je sais pas si ça va marcher. Vous, là, personnellement, est-ce que ça vous ferait aller voir le film? Ben là, moi, je sais pas. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, ben là, on ira voir le film. Là. La bande originale a l'air vraiment intéressante. Puis elle savait pas si je niaisais ou si j'étais sérieux. Mais de toute façon, la plupart des gars en couple vont avoir l'obligation d'y aller. Ils n'auront pas le choix. C'est ça. Donc, on va tous le voir qu'on veuille ou non. Mais l'important, c'est que la musique qu'il y a sur l'album... Mettons Dead Cab for Cutie. Mettons, on prend un band comme ça. Les filles vont peut-être se présenter au spectacle parce que là, ils ont entendu la pièce du CD puis ils trippent dessus parce que c'est dans Twilight. Parce que ça pourrait être n'importe qui. Ils auraient pu mettre le Schtroumpf à lunettes, là. Ils prennent tout là-dessus. Et puis les filles. Non, mais il aurait vraiment pu se payer une composition originale aussi d'un bout à l'autre. T'sais. C'est vrai. Mais ils ont choisi des pièces comme ça de groupes connus, mais connus d'un autre public que celui de Twilight. Ouais. Mm. En tout cas, c'était de l'excellent marketing. Félicitations à Twilight. Ouais. Bravo. Bravo. Donc, justement, mais parlant de ça, ouais, on va s'en écouter une pièce, je pense. Quelle idée. Dernière parenthèse, pensez-vous qu'il va y avoir genre des gangs de gars là, qui vont se mettre à aller voir Twilight ensemble, vu qu'ils aiment la musique, genre, hey, les chums, en soir, on va voir Twilight. Ça serait pas pire. Achète-toi le CD. C'est tellement mauvais, j'aime pas ça. Le film, c'est tellement pénible. Hey, arrête, là, on juge pas. Là. Non, excuse-moi. J'ai pas le droit de commenter sur le fait que... Oui, t'as le droit de faire ce que tu veux. On est assez fous, man. Man. Man, yo, délio. Ah ouais, c'est ça. Et puis je vous dis bye avant qu'on présente la toune. Hein, okay. Parce que sinon, on n'aura pas l'occasion de se dire bye. Non, mais c'était bien le fun. Fait qu'à la semaine prochaine. Merci, Maxime Lemulier-Amé. Merci. Merci encore. Merci. Donc, voici de la trame sonore du film Twilight. New Moon ou encore The Twilight Saga, comme ils aiment le dire. Deux petits points, New Moon. Et on s'en va entendre Bon Iver et Saint Vincent avec Rosalind. Hein? Assemblage requis. Ah, c'est fou. J'essaye vraiment de te laisser parler, tu sais. 89.1 FM. Bon. Ah. Thank you. jusqu'à 17h. Dactylo Fidelity et la pièce In Situ. Et juste avant ça, on avait entendu un extrait de la trame sonore du film Twilight. New Moon. Et puis c'est ça qu'on va en réentendre de cet album-là. On n'a pas le choix, va falloir qu'on en joue à tous les jours. Il y a vraiment bon. Mais peut-être aussi qu'on pourra ne pas toujours dire que c'est extrait de la trame sonore Twilight, histoire de... Je sais pas. C'est ça, mais en même temps, on pourrait s'attirer un beau petit public de filles. Ah, peut-être. Hein? Et sais-tu... De fillettes, en fait. De fillettes. Ah, bon. Encore des préjugés. Encore vraiment, des maudits c'est pas vrai. Préjugés. Toutes les filles aiment Twilight. Ben oui, tout le monde, tous les hommes, les brutes, les virils, sérieusement. Sais-tu qui les filles aiment aussi, Kiwan? Vas-y donc. Je sais pas. Moi, je pense en tout cas que ce serait sûrement les deux gars de... Et si, à l'instar de la violence gratuite, il y avait de la tristesse gratuite? Avertissement, le sketch qui suit contient des scènes de tristesse pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents ainsi qu'une petite boîte de mouchoirs est conseillée. Noël. Noël est synonyme de réjouissance, d'abondance. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pour ça que les histoires de Noël sont souvent les histoires les plus tristes. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Le Père Noël, il va penser nous voir cette année, hein? Ah, c'est bon, là, va te coucher. Tu t'en vas où, papa? J'aurai pas de tes affaires. Quand est-ce que tu vas revenir? C'est triste pour ce petit garçon dont le père dépense toute sa paye pour boire. Mais il est encore plus triste, comme le petit William, qui cette année fête Noël à l'hôpital. Mon petit chou, papa et maman t'aiment. Je te le promets, William. Bientôt, t'auras plus mal. Tu vas aller dans un endroit où tout est beau. Est-ce que ça veut dire que je vais aller rejoindre grand-maman? Oui, c'est ça. Oui. Pendant ce temps-là, un petit chien mourait de froid dans la neige. Une famille trépassait dans un accident de la route à cause d'un alcoolique. Une usine fermée. Mettant une centaine d'employés humiliés sur le chômage. Hein? Ça s'en vient triste en maudit, là, hein? Et si on invite un robineux à venir tousser dans nos micros? Ça fait mal, hein? On a même été en Éthiopie pour enregistrer des mouches pis des bruits de ventre qui gargouillent. C'est pas drôle! C'est de la tristesse gratuite! C'est triste! Et sur ce, on passe en chanson avec Triste Noël de René Simard. On la dédie à tous les enfants qui dorment dehors et qui n'ont rien à manger. Joyeux Noël! C'était une autre chronique des gars de Vidon, là, dans la question. Mathieu Seton, Jean-Luc Archambault. Évidemment, ça fonctionne très bien avec la journée d'aujourd'hui. Il y a un petit début de neige. On se croirait à Noël, presque. Et puis, les petites filles qui pleurent. On parlait de Twilight tantôt. Donc, tristesse gratuite. C'était incroyablement à propos. On vous en présente une autre jeudi prochain, capsule Vidon Adon la question. C'est à tous les jeudis, comme ça. Donc. Toujours, et allez voir le vidonadon.com pour en savoir plus sur ces deux drôles de matelots. On va retourner en musique tout de suite avant de terminer l'émission. On va aller écouter Pete York et Scarlett Johansson avec la pièce Relator. Vous êtes Assemblage Requis jusqu'à 17h. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Way. I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see. But I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think that life's all rough to talk about. You can leave when. Pete Yorn et Scarlett Johansson avec l'album Break Up et la pièce Relator, c'est dans le palmarès anglophone de C'est fou, on adore ça. Oui, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui et de cette semaine pour Assemblage Requis. Ouais. Toi, tu vas être là demain soir, Mathieu, pour les palmarès, comme tous les vendredis. Peut-être, je vais peut-être venir faire un tour, je vais essayer en tout cas. C'est ton agace, là. Dis pas des choses que tu non, peux pas accomplir. Ça fait super longtemps que je suis pas venu, puis là, demain, je pense que mon horaire me le permet, mais ça va dépendre aussi des heures de sommeil que je vais avoir d'ici là. Dors un peu, Kiwan. Ouais. Fais-moi plaisir et dors. Ouais, pour soigner un petit peu mes cernes. Ça te fait bien. Ah, peu importe. Ouais. Donc, c'est demain, 17h, le vendredi. Faut pas m'arrêter, fou. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission cette semaine. On s'entend qu'il y a là-dedans, il y a François Landry, il y a Simon Fitzbé, Émile Gauthier, il y a Sébastien Dulude, il y a Maxime Mieux-Aramé, les gars de Vidéo en question, Martin Bertrand avec ses petites mythologies, Régis Solerie avec ses chroniques sur le diable dans tous ses états. Je pense que ça fait le tour de tout le monde. Hein? Je pense que oui. Je pense que ça va. Restez sur nos ondes ce soir, jeudi. Il y a les Pimbèches en mission à partir de 17h, tout à l'heure. Ensuite, il va y avoir l'Indie Rock de la Spirale. Il y a Sky Punka à 21h. Je vous rappelle l'émission des meilleurs moments de C'est fou. Ça commence demain, vendredi à 6h30 le matin. Et puis, ça joue aussi samedi à partir de 14h. C'est la toute nouvelle émission de meilleurs moments avec la pilule du lendemain, avec le dîner de con, avec Assemblage requis. Tout le monde est là-dedans. Hein? Tout le monde patauge. Puis, ça se fait les bras, puis ça arrête plus. Bonne soirée, Kiwan. Oui, puis je rappelle aussi, hein, pour ceux qui ont le goût de voir un beau spectacle tout près d'ici ce soir, il y a Alexandre Desilets qui est à la Maison de la Culture. Mais sinon aussi, si vous êtes game, il y a You Say Party, We Say Die qui est à Joliette. C'est pas très loin, je trouve, pour aller voir un aussi bon groupe. Donc, suggestion de sortie. Et c'est tout. C'est tout. Bye, Kiwan. On se laisse avec justement You Say Party, We Say Die. Peux-tu nous dire bye toi aussi, puis ça va être fini? Je laisse durer le plaisir. Bye, Kiwan. Bye, Matt. Bonne fin bêche. Now I'll sing.